Lorsque David Hilbert exposa au 2e congrès international des mathématiciens à Paris en 1900 sa liste de 23 problèmes à résoudre pour le 20e siècle, il mit en première position le problème suivant. Existe-t-il des types d'infini de taille intermédiaire entre celle de l'ensemble des nombres entiers naturels et celle des nombres réels ? Ce que dit ce problème, c'est que oui, qui n'a toujours pas été résolu par ailleurs, c'est que oui, il existe des infinis de tailles différentes. Et oui, les infinis continuent à être un casse-tête pour les mathématiciens, depuis leur formalisation dans l'Antiquité jusqu'à Georg Cantor, disparu le 6 janvier 1917, il y a 100 ans précisément. Y a-t-il une fin au problème de l'infini ? C'est le problème que nous allons tenter de résoudre dans un temps fini, Ideste, dans l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour raconter cette histoire des infinis en mathématiques, une histoire qui a bien un début mais dont on peine à discerner la fin, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui autour de la table de la méthode scientifique Jean-Jacques Cécignars. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur du département Histoire et Philosophie des Sciences à l'Université Paris Diderot. Bonjour Boban Velikovic. Bonjour. Vous êtes mathématicien et professeur au département mathématiques de l'Université Paris Diderot également. Vous êtes directeur de l'équipe de logique à l'Institut mathématique de l'Université de Jussieu. Vous pouvez nous suivre comme chaque jour sur les ondes et sur notre fil Twitter, @laméthodefc. Alors l'autre point de départ de cette émission, outre les 100 ans de la disparition de Cantor dont on reparlera tout à l'heure, c'est cette étude qui a été publiée en fin d'année dernière de deux mathématiciens, Marianne Maliaris et Saharon Shela, qui ont démontré que deux infinis, petit p et petit t, que l'on croyait de tailles différentes, sont en fait de la même taille. Qu'est-ce que ça signifie de parler de taille d'infini, Boban Velikovic ? Oui. Est-ce qu'on peut parler de taille d'infini ? Est-ce que c'est oui, on peut très bien parler de la taille d'infini. Je vais vous donner un exemple. Vous entrez dans un bus et il y a des passagers, il y a des sièges, et vous vous posez la question, est-ce qu'il y a plus de passagers ou de sièges ? Donc, qu'est-ce que vous pouvez faire ? Vous pouvez compter le nombre de sièges, vous pouvez compter le nombre des passagers, et puis vous regardez lequel est plus grand. Maintenant, imaginons que tous les passagers sont assis, enfin, les passagers sont assis, les sièges, tous les sièges sont pris, mais il y a des passagers qui sont debout. Donc là, vous n'avez plus besoin de compter. Vous savez qu'il y a plus de passagers que de sièges. Non ? Si, ça si, vous si, pas du tout. Si, je suis okay. Tout avec moi. Donc, maintenant, la grande découverte de Cantor, à la fin, dans la deuxième moitié du XIXe siècle, était qu'en fait, on peut comparer les ensembles infinis de la même manière. Et on dit que deux ensembles infinis sont de la même taille, ou même de la même cardinalité, si on peut mettre en correspondance les éléments de l'un avec les éléments de l'autre, un à un, comme les passagers et les sièges. Alors, il y a des paradoxes. Et en fait, ça a été découvert même par Galilée au XVIe siècle que si vous... On va venir à Galilée. Okay. N'allons pas plus vite que la musique. On va essayer de poser les choses que vous venez de dire, Boban Velikovic. C'est ce qu'il faut comprendre pour aborder cette émission de façon sereine et détendue intellectuellement pour les gens qui ne sont pas familiers des mathématiques. Jean-Jacques Cécignars, c'est que on peut penser plusieurs tailles d'infini, d'autres plus grands, plus petits. Là encore, est-ce que la terminologie est bonne ? Est-ce qu'on peut dire qu'un infini est plus grand qu'un autre ? Oui, on peut le dire aussi intuitivement, même en se représentant que... La grande différence avec ce que vient d'expliquer Milinkovic, Bogdan, c'est que dans l'Antiquité, on ne dispose pas d'un outillage technique comme celui des ensembles et d'une technique déjà très très subtile. Mais on peut déjà dire que des infinis sont plus grands que d'autres, ou que des infinis plus petits peuvent être mis en correspondance avec des infinis qui leur apparaissent plus grands. Il suffit que vous tracez deux segments parallèles, et puis d'un point pris hors de ces deux segments, vous tracez des droites qui vont joindre un point du segment plus petit et un point du segment plus grand, et vous allez recouvrir de cette façon aussi bien le petit que le grand. Et c'est ce que dit Galilée, mais il y a bien d'autres mathématiciens ou physiciens avaient fait cette remarque-là, déjà bien avant. Donc oui, en ce sens, on peut parler d'infini plus grand les uns que les autres. Et, mais peut-être que dans l'Antiquité, ce qui est aussi important, c'est la qualité des infinis. Si je dis que le monde est infini ou si je dis que Dieu est infini, c'est pas le même infini. C'est alors, pas le même infini. Justement, revenons à l'origine des infinis et à l'Antiquité. Quelles sont les premières traces de conceptualisation mathématique de l'infini, Boban Velikovic? Ou les premières, je suis pas sûr, mais il y a, pour moi, le plus marquant, peut-être, c'était le paradoxe de Zénon, qui a imaginé une course entre Achille et la tortue. Dans laquelle la tortue commence avec, par exemple, 10 mètres d'avance. L'Achille court 10 fois plus vite. Mais au moment où l'Achille arrive à la tortue, à l'endroit où la tortue était au moment de départ, elle a avancé d'un mètre. Et puis, le temps que l'Achille rattrape la tortue, elle court un mètre, la tortue va avancer de 10 cm. Et selon Zénon, il n'y aura, Achille ne pourra jamais rattraper la tortue. Donc c'était un casse-tête, en fait, à l'époque. Et je crois que ça a pris des siècles pour comprendre ce qui se passe et pour résoudre ce paradoxe. Je ne sais pas, Jean-Jacques, avant Aristote. Il y avait beaucoup de paradoxes de Zénon. On a retenu les quatre. Il y a Achille la tortue, et puis il y a la flèche, il y en a etc. Mais même avant, je veux dire que dès les présocratiques, il pose que le monde est infini. Le monde est infini. Alors, il n'y a pas un concept d'espace comme celui qu'on a maintenant, mais pour Anaximandre, le monde est infini. Pour les pythagoriciens, d'une certaine manière, le monde est infini. Et précisément, après les présocratiques, il est arrivé cet immense philosophe qu'est Aristote, qui, justement, lui, a considéré que c'était confus de dire que le monde est infini, et il a démontré par toutes sortes d'arguments que, en fait, le monde, c'est-à-dire l'univers, est fini. L'univers est fini, sphérique. Mais cela dit, il y a d'autres aspects de l'infini qu'il retient. Bon, bien sûr. Et l'un des points, on doit beaucoup de choses à Aristote, qui est notre grand-père à tous, dans tous les domaines de la science, je pense. Il y a un concept ou une distinction qu'Aristote a faite, qui reste encore aujourd'hui très importante, c'est la différence entre être en acte et être en puissance. Donc, ce qu'Aristote retient, c'est il y a un infini en puissance. Mais l'infini n'est pas en acte. Et le temps est infini. Il est infini vers l'avenir. Alors, c'est aussi une question pour nous aussi intuitive. On a plus de facilité, même encore aujourd'hui, à imaginer que le temps est infini vers l'avenir que d'imaginer qu'il l'est vers le passé. Et ça reste source de grandes difficultés aussi bien en cosmologie. Les astrophysiciens nous disent qu'il y a un temps zéro ou un T0 à 13,8 milliards d'années, mais ça n'est pour le moment qu'une théorie. Alors je voudrais juste souligner, les pythagoriciens et qu'Aristote a repris ont aussi une importance du point de vue de l'histoire de l'arithmétique. Parce que pour eux, comme vous savez, tout est nombre. Tout est nombre. Et du coup, l'univers est nombre. Alors, il y a toutes sortes de problèmes et il faut une distinction entre les nombres pairs et les nombres impairs. Alors, les nombres impairs, eux, ils sont finis pour des raisons, tandis que les nombres pairs sont infinis. Mais ils sont infinis en un sens dévalorisant. Parce que, en même temps, et c'est aussi une des caractéristiques de ces philosophies, c'est qu'on valorise les concepts que nous, aujourd'hui, nous avons plus ou moins neutralisés. La gauche et la droite, la gauche c'est moins bien, et il y a aussi une distinction entre la femme et l'homme, etc. Et tout ça, on le doit aux pythagoriciens. Alors évidemment, s'il y a le pair et l'impair, il y a une question que va poser Aristote, c'est est-ce que, s'il y a un nombre infini, est-ce qu'il est pair ou il est impair? Et c'est pour cette raison que, puisque c'est une propriété essentielle du nombre d'être pair ou impair, on va dire que l'infini n'est pas un nombre. C'est donc, ça. Là, ce qui est intéressant, c'est-à-dire que pour les pré-socratiques, et y compris pour Aristote et pour la pensée aristotélicienne derrière, et puis pendant longtemps surtout, c'est que cet infini, il est inconfortable. On l'aime pas beaucoup, on essaie le sortir des nombres, on essaie de le sortir de la mathématique, on essaie de le sortir des systèmes de pensée, de le reléguer à d'autres formes de pensée que sont la métaphysique, la religion. Et surtout, il est souvent considéré comme du confus, de l'indéterminé. Infini, ça veut dire indéterminé, hein, par rapport au fini qui, lui, est déterminé. D'où toute cette question tourne autour de ça, aussi bien dans le rapport Aristote à Platon que par la suite. Hein. Donc ça, c'est très, très important. Le fini et l'indéterminé, ou le fini déterminé. Hein. Peut-être un mot plus pragmatique, vraiment, ou en tout cas plus arithmétique, sur la première appréhension véritablement arithmétique de l'infini. À quel moment un calcul donne l'idée que on sort du domaine du fini, qu'on ne peut pas aller jusqu'au bout. Peut-être serait-ce les nombres irrationnels, la première appréhension de nombres irrationnels. Bien sûr, c'est la dont on dit qu'ils ont été découverts par Pythagore. Hein, donc la démonstration de l'irrationalité de la diagonale du carré, de côté 1, et il y a toute une classification des irrationnels. Et alors je voulais juste souligner... Donc racine de 2 est un nombre irrationnel. Racine de 2, racine de 3, racine de 5, et ils ont classifié jusqu'à racine de 17 pour des questions... On ne peut pas rentrer dans la technique, okay. Mais c'est des questions très, très assez puissantes et profondes, hein, la racine de 17. Mais juste un mot avant de laisser la parole à mon ami, c'est que un grand philosophe comme Hegel considère que l'infini, c'est le concept. Et il y a une identité, c'est la forme la plus puissante de pensée. Et donc, quand il y a l'infini qui apparaît, comme dans le cas des irrationnels, pour lui, c'est un événement très important dans l'histoire de la pensée, parce que ça veut dire qu'il y a le concept qui apparaît, si on peut dire, en personne. Hein. Un mot peut-être, Boban Velikovitch, aussi toujours sur l'infini en mathématiques, sur cet inconfortable infini dont on ne sait pas quoi faire, c'est qu'il casse aussi, il casse les principes de l'algèbre, l'addition de l'infini, quand on ajoute à l'infini, ça donne encore l'infini. L'infini absorbe l'addition, donc c'est compliqué à conceptualiser ça. C'est compliqué, mais on peut étendre l'arithmétique aux infinis, aux cardinaux infinis. Elle est complètement différente de l'arithmétique usuelle. Je voulais juste revenir sur le point que vous avez soulevé, que même pour les mathématiciens, le concept de l'infini était très inconfortable. Et au début du XXe siècle, Hilbert, que vous avez mentionné, a proposé un programme pour éliminer l'infini dans les démonstrations mathématiques. C'est-à-dire, son idée était que le concept d'infini est très intéressant, très utile, mais on peut s'en passer. Donc, c'est une sorte de raccourci. Et il a proposé un programme qui s'appelle le programme de Hilbert, qui a été cassé, en fait, par un grand logicien, le plus grand logicien du XXe siècle, Kurt Gödel, qui a démontré son célèbre théorème d'incomplétude. Et une des conséquences, c'est que même si ce qui nous intéresse, c'est le fini, les nombres, les entiers, on a besoin, pour découvrir des vérités sur les nombres entiers, on a besoin de parler de l'infini, de façon essentielle, c'est-à-dire on ne peut pas s'en passer. Et ça, c'était un grand choc à l'époque. Et il n'y a pas que Hilbert, en fait. Il y a beaucoup de monde qui essaie de se débarrasser de l'infini tout au long de l'histoire des mathématiques. Même Aristote, hein, dans le livre 3 sa physique, dit « Les mathématiciens n'ont pas besoin de l'infini et ne l'utilisent pas. Ils ont simplement besoin d'une grandeur finie choisie aussi grande qu'ils veulent. » Oui, alors c'est on pourrait dire que c'est un infini potentiel. C'est-à-dire, toute la question pour Aristote, c'est le fait qu'il ne peut pas, pour lui, il n'est pas pensable d'avoir un infini achevé. Ou un infini actuel. Ça, c'est quelque chose qui... Et donc, il admet, dans certaines circonstances, ce que vous dites, c'est-à-dire que on pourrait toujours continuer, hein, c'est ça que c'est, en gros, mais bon, je simplifie un peu, mais c'est cette idée d'infini potentiel. Cette idée d'infini potentiel va circuler tout au long du Moyen-Âge, chez les mathématiciens, jusqu'au XVIIe siècle, et encore chez certains philosophes du XVIIe siècle. Donc, voilà. Alors, on va faire un bond tout de suite jusqu'au XVIIe siècle, allez. La méthode scientifique, Nicolas Martin. Et à 16h15, dans la méthode scientifique, nous parlons de l'histoire des infinis en mathématiques principalement, parce que faire une histoire des infinis dans tous les domaines scientifiques nous prendrait largement plus qu'une heure, elle nous prendrait presque un temps infini. On va arrêter de faire des blagues sur l'infinitude du temps maintenant. Donc allons au XVIIe siècle, Jean-Jacques Cécignars, avec Galilée qui va formaliser un principe important, c'est le principe de bijection. Oui, alors il y a cette, c'est ce que vous dites, la correspondance biunivoque entre un segment de droite et la droite tout entière. Donc ça, c'est un fait. Ça va plus loin chez Galilée, et ça va plus loin dans tout le XVIIe siècle, parce qu'il ne faut pas oublier que le XVIIe siècle est premièrement l'inventeur du calcul différentiel, dans lequel on introduit de façon manipulable ce qu'on peut appeler des infiniment petits, alors avec beaucoup de difficultés, d'hésitations, etc. Mais vous avez un calcul de l'infini de ce point de vue-là qui est fondé chez Leibniz. Et l'infinitésimal. L'infinitésimal. Mmh. Et puis d'autre part, alors ce qui est souvent négligé, c'est le fait que dans la théologie, c'est-à-dire dans la manière que l'on a de concevoir Dieu, la perfection divine est en quelque sorte quantifiée. Et de ce point de vue, donc, lorsque Descartes démontre l'existence de Dieu, il le démontre d'abord par l'idée d'infini. Dieu est infini, mais il est infini cette fois-ci achevé. Sauf que c'est donc le lieu très important au XVIIe siècle, c'est le lieu, enfin, dans la pensée, c'est le lieu où on a l'apparition d'un infini en acte. Un infini en acte qui est avec des difficultés. Descartes dit que c'est incompréhensible, mais on peut en avoir des idées, on peut travailler dans le cas par exemple pour démontrer l'existence de Dieu, mais un autre philosophe très grand comme Spinoza, lui part du point de vue que Dieu est infini en acte. Et Dieu, il identifie Dieu et la nature, Dieu et la nature c'est l'infini, et Dieu est pourvu d'attributs, de caractères qui sont les attributs, et il y en a une infinité d'attributs de Dieu qui sont eux-mêmes infinis. Donc vous avez, dans Spinoza, une infinité d'infinité d'infinité, à trois niveaux. Et il y a une lettre très célèbre de Spinoza qui s'appelle « La lettre sur l'infini », dans laquelle il s'explique avec ses infinis. Et on voit bien d'ailleurs, dans ce que vous dites, Jean-Jacques Cécignars, qu'au XVIIe siècle, on se positionne encore sur la conception aristotélicienne de l'infini en acte et de l'infini en puissance, avec cette question. Ce refus de l'être en puissance, que Descartes considère que l'être en puissance, c'est du charabia, quand il critique Aristote. Autre chose, Galilée, pour rester un peu sur lui, puisque vous venez de parler de Leibniz, et il faut qu'on avance aussi dans le temps pour arriver à Cantor, qui est le grand théoricien des ensembles et de l'infini. Pour Galilée, tout de même, Boban Velikovitch, Galilée postule quelque chose d'important, c'est que le tout est plus grand que la partie n'est plus valide. Cette question du tout plus grand que la partie. Oui, en fait, il découvre, entre autres, que si vous regardez les nombres entiers, et donc 1, 2, 3, 4, etc., et puis les carrés des nombres entiers, donc 1, 4, 9, etc., alors il y a une correspondance 1-1, donc ce qu'on appelle en mathématiques bijection, et donc on a une part des entiers, qui est les carrés, qui est en bijection avec tous les entiers. Et ça pose des problèmes, c'est un paradoxe. Mais il n'est pas allé aussi loin que Cantor à comparer les infinis. Et en fait, si je peux revenir là-dessus, c'est la définition de l'infini en mathématiques qui a été faite par Dedekind, que un ensemble est dit infini s'il est en bijection avec un sous-ensemble propre de lui-même, c'est-à-dire une partie propre de l'ensemble et en correspondance bijective avec l'ensemble lui-même. Pour bien comprendre cette question de bijection et d'impossibilité, en tout cas, à conceptualiser le tout plus grand que la partie chez Galilée à partir de cet exemple des carrés, il faut bien dire que si on prend 1, 2, 3, 4, 5, on a donc les entiers naturels. Si on prend les carrés, c'est une autre suite qui est infinie, mais pourtant il manque des chiffres entre eux. Il manque, exactement. Voilà. Donc il y a bien un infini, les entiers naturels, qui est plus grand que les carrés. Jean-Luc Cécignas. Plus grand, c'est difficile. Mais c'est difficile de qualifier plus grand, mais néanmoins. Il faut qu'on se donne une autre définition de grand et de plus grand, parce que Intuitivement, on peut dire oui, il est plus grand, mais si on se donne comme définition une définition qui repose sur le concept justement de mise en correspondance, cette fois-ci, les choses sont très différentes parce que bon, et vous pouvez prendre les carrés, mais les cubes, etc., etc. Donc, et alors juste sur ce que vient de dire Bogdan, c'est très très important cette définition de donnée par Dedekind. Alors vous savez que la théorie des ensembles s'est élaborée par une correspondance entre Cantor et Dedekind. Mm-hmm. Ils s'envoyaient des cartes postales. On en reparlera tout à l'heure, parce que quand Cantor établit cette théorie des ensembles, d'ailleurs, il n'y croit pas. Ce qui est important pour nous, si vous voulez, même je dirais presque philosophiquement, c'est que c'est un paradoxe qui est devenu positif. C'est-à-dire ce qui est pensé comme paradoxe devient cette fois-ci une définition positive. Et ça, c'est très important pour... je ne veux pas faire de la morale, mais je veux dire pour les mathématiques, pour la pensée tout court, c'est que souvent, très souvent, ce qui est paradoxe devient le positif. Vous prenez un nombre irrationnel. Qu'est-ce que c'est qu'un nombre irrationnel ? Vous pouvez le définir par ce qui ne peut pas être le rapport entre deux entiers dont le carré est égal à 2. Bon, vous allez définir comme ça racine de 2. Mais qu'est-ce que c'est que racine de 2 ? C'est le fait d'avoir positivé cette impossibilité-là. Et ça, c'est très important. Ce sont des processus de pensée qu'on trouve très souvent à l'œuvre dans la logique et dans les mathématiques. On peut dire aussi un mot, c'est au XVIIe siècle que l'infini est formalisé par un symbole, le lemniscate, qui n'existait pas auparavant et qui d'un seul coup va devenir le symbole mathématique de l'infini. C'est symboliquement, 8, c'est, voilà, ce 8 horizontal, c'est symboliquement intéressant, Boban Velikovitch, de dire que c'est à ce moment-là qu'on met un signe sur l'infini. Il y a un seul symbole, comme s'il y avait un seul infini. Donc il fallait attendre quelques siècles pour en fait découvrir que ce n'est pas vrai, qu'il y en a plusieurs. C'est Euler qui a trouvé ça. Ce qui vient aussi avec Bolzano, qui est quelqu'un d'important et sur qui Cantor, dont on va parler dans un instant, vraiment va fonder son travail, c'est que pour répondre à ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a un infini plus grand que l'autre, en fait, il faut changer effectivement cette terminologie et de dire qu'il y a un infini qui contient l'autre, Jean-Jacques Seignars. C'est être contenu dans, remplace le plus petit, plus grand ou égal. Être inclus dans un niveau élémentaire. Oui, être contenu, être inclus dans. Mais ça, c'est... Bon, Bogdan connaît les choses mieux que moi-même, mais c'est des questions qui sont liées à la théorie des ensembles, de ce que c'est qu'une inclusion, de la différence entre l'inclusion et l'appartenance, enfin des techniques de ce genre. On lit beaucoup, Boban Velikovitch, que c'est que les travaux de Cantor, qui est donc que la postérité a retenu, héritent en grande partie des bases qu'a posé Bernard Bolzano, qui est un mathématicien tchèque. Qu'en pensez-vous ? Est-ce que vous pouvez expliquer un peu en quoi les travaux de Bolzano ont anticipé ou ont préfiguré ceux de Cantor ? Enfin, je sais pas, moi. À ma connaissance, en fait, Cantor, il a commencé comme un analyste classique. Mmh. Il a travaillé sur un problème de série de Fourier, donc qui était les mathématiques de la vallée Poussin. Oui, de son époque. Et il voulait résoudre un problème. Et il devait faire ce qu'on appelle aujourd'hui la récurrence transfinie. Alors, ça n'existe pas à l'époque, donc il fallait l'inventer. Et il a fait un pas de libération, si je peux dire, dépasser le fini et imaginer justement, comme Jean-Jacques l'a dit, qu'on a accompli toutes les étapes finies et puis on peut continuer. Donc c'est un infini accompli, si je peux dire. Et il continue. Donc ça lui a permis de définir d'abord les nombres ordinaux qui étendent ou généralisent les entiers. Et puis ensuite, les nombres cardinaux, où elle compare la taille, on a déjà parlé de ça, par les bijections entre deux ensembles. Donc Bolzano, je ne sais pas, peut-être Jean-Jacques saurait mieux vous répondre à cette question. Jean-Jacques Seignars. Moi je connais surtout Bolzano parce qu'on connaît, c'est-à-dire qu'il a trouvé la définition de ce que c'est que la compacité. Ce que je sais, c'est qu'effectivement, Cantor a travaillé sur les textes de Bolzano. et que Bolzano était très très philosophe, hein, donc il se réclame de Hegel dans le rapport entre le fini et l'infini. Et je crois que de ce point de vue, Cantor a trouvé une source d'inspiration chez Bolzano. Alors je ne peux pas dire quels sont exactement, faudrait que je regarde, quels sont exactement les théorèmes sur lesquels s'est appuyé Cantor. Ça a fait beaucoup de polémiques par la suite. Hein, donc, Alors venons-en donc à Georg Cantor, mathématicien allemand, fondateur de la théorie des ensembles. Il est mort le 6 janvier 1918, donc il y a 100 ans presque jour pour jour. En quoi cette théorie des ensembles, Boban Velikovitch, l'amène finalement à formaliser ce qui va devenir cette nouvelle formalisation des infinis dénombrables et indénombrables? Bon, déjà donc, comme je l'ai dit, donc il a imaginé un procédé de récurrence transfinie, donc qui dépasse toutes les étapes finies. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est il a donné cette notion de deux ensembles infinis qui ont la même taille ou le même nombre d'éléments par bijection, par correspondance un par un. Et puis, il a commencé à étudier les propriétés des infinis. Ensuite, oui, il a démontré qu'il y a pas un seul infini. Ça, c'était une très grande découverte, en fait. Maintenant, ça paraît facile, hein, c'est presque trivial. Mais à l'époque, c'était un choc. Donc, il a découvert, par exemple, que l'infini des nombres réels, donc les points sur une droite, est plus grand que l'infini des entiers, des nombres 1, 2, 3, 4, etc. Alors, on va peut-être refaire, avant de rentrer, parce qu'on va parler beaucoup des réels, des entiers naturels, des nombres rationnels, peut-être refaire bien la différence entre ce que sont les nombres réels, ce que sont les entiers naturels, ce que sont les nombres rationnels, Jean-Jacques Cessignard. Oui, alors je ne veux pas être trop doctrinal. Il y a les entiers, hein, donc les nombres entiers, qui sont les entiers naturels positifs. Ce sont les seuls nombres que connaissaient les Grecs. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ça s'explique pourquoi ils ne peuvent pas descendre en dessous. Hein, donc, ensuite, vous avez les entiers négatifs, Z, et puis ensuite, vous avez les rationnels, c'est-à-dire toutes les fractions qui ont chacune des propriétés, puis ensuite inclus dans les réels. Les nombres réels, c'est tous les nombres. Presque. Oui, enfin, il y a aussi les nombres complexes. Ouais, qui, voilà. Mais alors, dans les nombres réels, si vous voulez, en gros, il y a tous les réels, mais il y a ce qu'on a l'habitude d'appeler les vrais réels. Un nombre vraiment réel, c'est un entier décimal non périodique, hein, qui est dans la suite qui est non périodique. Et de ce point de vue, par exemple, bon, effectivement, racine de 2, racine de 3, mais il y en a d'autres, pi, etc., etc. Hein. Voilà. Alors après, dans toutes ces inclusions, on peut être beaucoup plus subtil, hein, mais c'est en gros. Bien sûr. Mais c'est pour poser les jalons. En 1874, donc Cantor publie des travaux qui démontrent que l'ensemble des nombres réels, donc ce que vous venez de définir, Jean-Jacques Cessignard, ce n'est pas un infini dénombrable. Oui. Donc d'abord, un infini dénombrable. Donc c'est un infini, c'est un ensemble infini qui peut être mis en bijection avec les nombres entiers, avec 1, 2, 3, etc. Donc d'une certaine manière, on peut le dénombrer ou énumérer. Alors ce qu'il a montré Cantor, c'est qu'on ne peut pas énumérer tous les réels, hein, tous les réels donc qui ont des expansions, par exemple décimales. Il a introduit un argument qui est devenu très célèbre, parce que cet argument, il revient dans plusieurs contextes, qui s'appelle l'argument diagonal. Et ce qui lui a permis en imaginant qu'il y a une énumération de tous les réels, il construit un nouveau réel qui est différent de tous les réels qui apparaissent dans la suite. Et donc, qui dit qu'il n'y a pas de bijection entre les entiers et tous les réels. Je crois que Cessignard, c'est très très puissant, comme vient de le dire Boban Velikovitch, d'imaginer un infini dénombrable et un infini indénombrable. Oui, c'est extrêmement puissant, et si vous voulez, c'est tout à fait remarquable, parce que on n'a pas, à proprement parler, au début, on n'a pas d'exemple de ce que serait ce nombre au-delà des mais les mathématiques en sont pleines. Hein, et par exemple, on a des nombres, si vous voulez, des nombres qui sont non rationnels, des nombres réels, et on a aussi, bon, je sais pas si on va en parler, des nombres transcendants, qui sont encore autres. Et on a pu exhiber, ce type de nombres, hein, et montrer que d'une part, qui sont pas rationnels, par exemple pi, et qui sont transcendants, par exemple pi. Là, vous commencez à nous compliquer la tâche. Si. Mais oui, Paul Van Vliet, en fait, ça ne s'arrête pas là. Il n'y a pas que deux infinis. Hein. On bien aurait sûr. L'impression. En fait, ce que découvre Cantor est que si vous prenez n'importe quel ensemble, par exemple A, vous prenez l'ensemble de toutes les parties de A. On appelle en mathématiques P de A, l'ensemble des parties de A, il est strictement plus grand que A. Donc, c'est-à-dire, vous pouvez prendre comme A l'ensemble des entiers, donc l'ensemble des parties des entiers est plus grand, et après, vous pouvez itérer, vous pouvez dire l'ensemble des parties d'entiers, il est plus grand. Plus grand. Donc, il y a une infinité d'infinis. Ça grossit très très vite. Ouverture tragique en ré mineur de Brahms, contemporain de Georg Cantor, dont nous parlons tout au long de cette heure, entre autres, puisque nous parlons de l'histoire des infinis en mathématiques. Cette ouverture tragique était ici interprétée par l'Orchestre Symphonique de la radio hongroise. Nous parlons des infinis avec Jean-Jacques Cessignars, qui est directeur du département Histoire et Philosophie des Sciences à l'Université Paris-Diderot, et Boban Velikovic, qui est mathématicien et professeur également au département mathématiques de l'Université Paris-Diderot. Maintenant que ces messieurs vous ont expliqué brillamment qu'il y avait plusieurs infinis, qu'il y avait une infinité d'infinis, qu'il y avait des infinis dénombrables et des infinis indénombrables, ça nous amène au problème de Hilbert. Donc nous n'avons pas fini de faire des nœuds avec votre cerveau, il reste encore une demi-heure pour en faire un certain nombre. Hilbert, hein, j'en parlais au début de cette émission, mathématicien dont je vous parlais tout à l'heure, qui a défini les 23 problèmes à résoudre au XXe siècle, qui a trouvé une métaphore intéressante pour enseigner les théories de Cantor. Bonjour Antoine Beauchamp. Bonjour Nicolas, bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous êtes retourné dans votre endroit favori, préféré au monde, à l'IHES s'intéresse à Bure-sur-Yvette, au tableau et à la craie à l'ancienne. Oui, c'est un petit écrin de connaissances, un petit coin de verdure où coule une rivière, c'est l'IHES, et j'ai eu un professeur de luxe en la personne d'Hugo Duminil-Copin, qui est mathématicien, lauréat 2016 de la European Mathematical Society et professeur permanent à l'Institut des Hautes Études Scientifiques. Il m'a exposé un cas classique de mise à l'épreuve de l'infini en mathématiques, le cas de l'hôtel de Hilbert, et il m'a expliqué pourquoi les mathématiciens sont peut-être plus libres que d'autres scientifiques pour manipuler ce concept d'infini. D'un certain point de vue, on est assez chanceux en mathématiques. La différence entre les mathématiques et les sciences en général, c'est que c'est l'étude de choses qui sont créées par l'homme, d'idées qui sont créées par l'homme. Donc le concept de mathématiques se heurte à très peu de choses, tant qu'il reste un concept mathématique. La difficulté des mathématiciens, ça a plutôt été d'arriver à le définir correctement, d'avoir une définition suffisamment robuste pour pouvoir la manipuler sans arriver à des contradictions. Alors là, on est devant un grand tableau noir. Je voudrais savoir un petit peu voilà, à quoi pourrait ressembler un cas pratique de mise à l'épreuve de l'infini en mathématiques. L'infini arrive dans à peu près toutes les preuves aujourd'hui en mathématiques. C'est un outil plus qu'une fin en soi. Par contre, ce dont je peux vous parler, c'est quelle est cette propriété qu'on aime tant dans l'infini, quelle est cette propriété qui attire le mathématicien et qui rend la notion utile. Donc cette propriété, elle peut se manifester assez facilement dans l'exemple suivant, l'illustration suivante. Imaginez que, ça s'appelle l'hôtel de Hilbert, imaginez que vous ayez un hôtel fini. Il y a un certain nombre de chambres dans cet hôtel, un nombre fini, disons 100. Et imaginez que votre hôtel est surbooké. Donc il y a 100 personnes dans vos 100 chambres, une personne dans chaque chambre. Quand un nouveau client se présente à la porte, il est impossible de le loger dans cet hôtel. Tout simplement parce qu'il n'y a plus de chambres libres. Maintenant imaginez que votre hôtel soit infini. Dans ce cas-là, le tenant peut faire l'astuce suivante. Il peut décider de mettre le client de la chambre 1 dans la chambre 2. Alors pour faire ça, il faut qu'il libère la chambre 2. Donc ce qu'il va dire, c'est qu'il va dire au client de la chambre 2 de se mettre dans la chambre 3. Client de la chambre 3, de se mettre dans la chambre 4, etc., etc. Et si chaque client se met dans la chambre suivante, tout le monde sera bien dans une chambre. Mais par contre, la chambre 1, maintenant, sera libre. On pourra mettre notre nouveau client. Donc cette propriété qui est que un ensemble infini plus 1, si vous voulez, c'est un ensemble de la même taille. C'est une propriété qui est extrêmement forte en mathématiques. C'est comme si vous vous enleviez une restriction, qui est que ce n'est pas le cas dans les ensembles finis. Quand on ajoute 1, on obtient un ensemble qui est plus gros, strictement. Là, ce n'est pas le cas en termes de taille. Et ça, c'est une propriété très utile pour le mathématicien. On voit bien qu'intuitivement, il y a quelque chose qui échappe à l'entendement. C'est l'une des définitions philosophiques, on va dire, de l'infini. C'est des choses qui échappent. Là, ici, il y a, par exemple, si vous poussez l'analogie plus loin, imaginez qu'il y ait une infinité de nouveaux clients qui arrivent dans votre hôtel. Vous dites, bon, là, quand même, ça fait beaucoup de gens. On ne devrait pas arriver à pouvoir tous les mettre. Oui, mais imaginez que le client de la chambre 1, vous le mettiez dans la chambre 2. Le client de la chambre 2, vous n'allez pas lui demander d'aller dans la chambre 3, mais plutôt dans la chambre 4. Le 3 dans la chambre 6, etc. Vous mettez chaque client dans la chambre qui correspond à deux fois le numéro de chambre dans lequel il était. Quand vous faites ça, vous vous rendez compte de nouveau, vous avez mis tous vos clients qui étaient déjà dans l'hôtel dans des chambres, mais vous avez libéré la chambre 1, la chambre 3, la chambre 5, 7, etc., etc. Vous avez libéré une infinité de chambres. Donc du coup, votre infinité de nouveaux clients, vous pouvez quand même les mettre dans votre hôtel. Donc deux fois l'infini, c'est l'infini. C'est exactement le même infini. Et là déjà, on commence à se dire, oulala, il y a quelque chose d'extravagant dans cette notion. Si deux fois l'infini, mais alors quatre fois l'infini, ça va être le même infini, etc. L'infini fois l'infini, ça... on se dit où ça s'arrête en quelque sorte. Et ben ça s'arrête, c'est-à-dire qu'il y a des opérations sur les infinis qui vous créent des infinis qui sont vraiment strictement plus gros. Il y a des infinis plus gros que d'autres, des infinis d'infinis, si vous voulez. C'est une observation qui a été faite par Cantor. Et je pense que toute personne bien équilibrée, la première fois où elle fait face à cette idée qu'il y a des infinis de tailles différentes, c'est quelque chose qui, d'un certain point de vue, échappe à l'entendement. Mathématiquement, c'est solide, mais ça échappe à l'entendement. Et c'est pas très étonnant que, du coup, à partir de là, on se retrouve à partir du moment où on fait, on manipule de l'infini en mathématiques, on arrive à créer des choses de l'ordre du paradoxe, au moins du paradoxe apparent, des choses qui échappent à l'intuition humaine. Voilà, vous pouvez mesurer par vous-même si vous êtes ou non équilibré par ce vertige de l'addition, de la multiplication et des paradoxes liés aux infinis dans ce reportage à l'Institut des Hautes Études à Bures-sur-Yvette en sciences. Une réaction à ce que vous venez d'entendre l'un et l'autre, Jean-Jacques Cessignars ? Oui, c'est montrer de façon très pédagogique le fait qu'il y a des infinis plus grands que d'autres. C'est tout à fait, il ne fait que d'utiliser, d'aller jusqu'au bout de cette idée de ce que c'est de l'infini. Moi, j'ai d'autres exemples à vous donner aussi parlants. Hein, donc alors, je vais venir vers vous pour d'autres exemples parce que j'aimerais que vous me réexpliquiez également ce que nous a expliqué brillamment tout à l'heure Boban Velikovic, mais à votre sauce, c'est-à-dire un ensemble strictement plus grand E et PE. Mais une réaction à ce que vous venez d'entendre Boban Velikovic avant cela, au reportage. Oui, mais c'est un très bon exemple. En fait, c'est bien de donner des exemples, de parler en images, hein, parce que les gens comprennent l'image mieux que, en fait, les formules. Mais si je peux revenir, en fait, comme on a déjà dit qu'il y a plusieurs infinis, la question que Cantor s'est posée, hein, lui, il avait déjà deux infinis, comment dire, le plus évident, qui sont les nombres entiers et les nombres réels. Et donc, on a dit que les nombres réels, ils sont plus grands que les nombres, les entiers. Ils sont indénombrables. Ils sont indénombrables. Donc, il s'est posé la question, est-ce qu'il y a quelque chose entre les deux ? Donc, ça, c'était l'hypothèse du continu. Là, lui, il pensait que la réponse était un non, que les réels sont l'infini suivant après les entiers. Et il a travaillé pendant beaucoup d'années, en fait, une vingtaine d'années, sur ce problème-là. Donc, c'est ce que vous avez dit tout à l'heure. C'est ça. Au tout début de l'émission, c'est-à-dire qu'il Cantor a travaillé sur deux options. Une option, est-ce qu'il y a un infini plus grand que l'infini des nombres réels, d'une part, et ensuite, est-ce qu'il y a un infini intermédiaire entre l'infini indénombrable des nombres réels et l'infini dénombrable des nombres entiers naturels ? Ça devient immédiatement extrêmement riche. Et il y a beaucoup de questions qui me viennent, beaucoup de suggestions qui me viennent à l'esprit. Cantor a aussi travaillé sur la classification des nombres premiers. Vous savez, et on a un exemple d'infini là, l'infinité des nombres premiers. On s'est démontré par au moins 15 manières que les nombres premiers sont infinis. Et la démonstration a été faite, la première, par Euclide, il y a déjà fort longtemps. Un nombre premier, vous le rappelez. C'est un nombre qui n'est divisible que par lui-même. Voilà. Ou par un. Alors, je ne sais pas, si vous voulez, comment dire, je ne vais pas être trop long, mais ce qui est assez remarquable sur l'infini, si vous voulez, c'est qu'il a été valorisé. D'un côté, on a dit l'infini, on n'en veut pas. D'un autre côté, on a dit l'infini, c'est quelque chose de très positif. C'est ce qu'on entend, c'est ça aussi qui est intéressant, excusez-moi de vous interrompre, c'est ce qu'on entend dans le reportage. Il dit, les mathématiciens adorent l'infini. Aujourd'hui, ils adorent l'infini, alors qu'il a été rejeté pendant des siècles et des siècles. Il y a des mathématiciens qui ont rejeté aussi l'infini, de très grands mathématiciens. Parmi les théoriciens du calcul intégral, etc. Mais ce que je voudrais dire, c'est que peut-être les gens sont moins habitués à ça, c'est que l'infini, ça simplifie parfois énormément les questions. Le fait d'introduire la notion d'infini, ça simplifie. Et je donne juste un exemple que je ne vais pas développer, qui est au XVIIe siècle, la naissance d'une géométrie nouvelle extrêmement puissante qu'on appelle la géométrie projective. La géométrie projective, ça consiste à dire que deux droites parallèles à l'infini se coupe. Et donc, d'une certaine manière, on introduit l'infini, et de cette façon, il n'y a plus vraiment de différence entre une intersection à la distance finie et une intersection à l'infini. À partir de là, vous avez toute une géométrie qui s'est développée, qu'on appelle donc la géométrie projective, qui a des conséquences importantes aujourd'hui encore, bien sûr, et qui est voilà un exemple où cette fois-ci, il y a une, je dirais, c'est presque un coup de force, mais en même temps une libération. On a dit voilà, l'infini, c'est, on va dire, il y a un point à l'infini. On va rajouter, on dit par une opération mathématique, on ajoute ce point à l'infini et on a un nouvel espace qui s'ouvre devant nous. Hop, allez-y, remettez votre micro. Non, parce qu'évidemment, quand on explique l'infini, on utilise des grands mouvements et avec l'enthousiasme qui est le vôtre, parfois on tape un peu dans le micro. Et c'est Desargues hein, qui était un très grand mathématicien et qui a été très refoulé, rebattu, critiqué. Enfin, il a été mis de côté tout au cours du XVIIe siècle et qui a été le premier à développer cette nouvelle géométrie et qui évidemment s'est développée au XIXe siècle et est encore en plein développement aujourd'hui. Pour redire un mot comme de ce que disait tout à l'heure Boban Velikovic, j'ai bien comprendre l'ampleur de la révolution ou de la puissance plutôt en fait de cette démonstration de Cantor, à savoir qu'il y a une infinité d'infinis, c'est-à-dire qu'on peut toujours construire à partir d'un ensemble un ensemble strictement plus grand. Peut-être redonner un exemple pour qu'on comprenne bien ce théorème-là, Jean-Jacques Cécignard. Du fait qu'à partir d'un ensemble infini, on peut toujours construire un ensemble infini plus grand. Oui, on peut prendre un exemple dans le cas des ensembles finis, si vous voulez. Hein. Quand vous avez un ensemble à deux éléments, et vous cherchez le nombre de parties qu'il y a dans cet ensemble à deux éléments, vous voyez immédiatement qu'il y a plus de parties que d'éléments. Hein, entre 1 et 2, il y a plus le nombre entre 1 et 2. Ça veut dire que si vous voulez, toutes les parties que vous pouvez faire avec l'ensemble 1 et 2, bah vous avez par exemple ce qu'on appelle le singleton 1, le singleton 2, ça fait déjà une partie. L'ensemble 1, 2, puis vous mettez, on rajoute en général le vide. Hein, bon, mais, et voilà, on a 4. Le cardinal, le nombre d'éléments de l'ensemble des parties d'un ensemble à deux éléments, c'est 4. Or, vous avez au départ un ensemble à deux éléments et vous fabriquez un ensemble à 4. Alors, imaginez ce que c'est si vous en avez 10, par exemple. Ça va être beaucoup plus grand. Et imaginez si vous avez infini. Donc, l'ensemble des parties que vous pouvez faire avec l'ensemble des entiers est beaucoup plus grand que l'ensemble des entiers. C'est ça la base de l'idée de Cantor. La puissance et de ce qui était dit tout à l'heure dans le reportage aussi, de la contre-intuitivité de ce théorème de Cantor, c'est de montrer par exemple qu'il y a autant de réels entre 0 et 1 qu'entre 0 et l'infini. Qu'il y a autant de réels, de points sur la droite que dans le plan. C'est-à-dire qu'il y a autant de points sur le segment d'un carré que dans l'aire d'un carré. Oui, par exemple. Donc ça, c'est contre-intuitif. Hein. Si je peux avancer un peu, bien sûr, évidemment. Concernant le problème de Cantor, l'hypothèse du continu, qui était le premier problème sur la célèbre liste de Hilbert, Cantor ne l'a pas résolu. On peut dire qu'il est devenu fou. Je ne sais pas si c'est à cause de ce problème. Donc, il avait beaucoup de problèmes à la fin de sa vie. Et c'est pas seulement qu'il n'a pas résolu. C'est que les logiciens ont découvert que ce problème était irrésoluble. C'est-à-dire que... Indécidable. Moi, je ne voulais pas utiliser le mot indécidable. Mais en fait, à la base des théories mathématiques, de la théorie des ensembles, on ne peut ni démontrer ni infirmer l'hypothèse du continu. Donc Cantor, il ne pouvait pas résoudre cette question. Elle était indécidable. Et donc ça a pris les travaux des deux mathématiciens du XXe siècle, Kurt Gödel dans les années 40 et Cohen dans les années 60. Et qui postule quoi alors? Premier problème de la liste d'Hilbert, qu'il est indécidable. Je reprécise pour nos auditeurs, parce que comme c'est des concepts qui sont un peu compliqués à manipuler, l'hypothèse c'est de dire, est-ce qu'il y a un infini intermédiaire entre l'infini indénombrable des nombres réels et l'infini dénombrable des nombres entiers naturels? Oui, donc d'abord, Gödel a montré dans les années 40 que on ne peut pas réfuter l'hypothèse du continu. C'est-à-dire, on a construit un univers de la théorie des ensembles dans lequel l'hypothèse du continu, l'hypothèse de Cantor, était vraie. C'est ce qu'on appelle l'univers constructible de Gödel. Et puis, une vingtaine d'années plus tard, Paul Cohen, dans les années 60, donc 1963, il a introduit une nouvelle méthode pour construire des modèles de théorie des ensembles, ce qui lui a permis de résoudre plein de questions de Entre autres, il a construit un modèle de la théorie des ensembles dans lequel l'hypothèse du continu était fausse. Donc en fait, on a deux modèles qui satisfont les mêmes axiomes, les axiomes de base, toutes les règles que les mathématiciens utilisent pour démontrer leur théorème sont valables dans les deux modèles, mais dans l'un, vous avez l'hypothèse du continu, et dans l'autre, vous avez sa négation. Qu'est-ce qu'on fait avec cette double résolution de l'hypothèse du continu, Jean-Luc Cécilliard? Comment est-ce qu'on se débrouille avec ça aujourd'hui, en 2017? Alors ça, c'est difficile, on se débrouille comme on peut, hein, parce que donc vous avez, faut admettre que vous avez un théorème d'indécidabilité. Bon, cela dit, on va pas rentrer dans des détails, il y a des travaux plus récents qui montrent que en changeant un peu les axiomes, enfin, etc., des travaux qui ont été développés par un grand logicien mathématicien qui est Houdin, qui apporte des éléments éventuels pour une solution, pour dire que c'est faux, quoi, que l'hypothèse de Cantor est fausse. Mais bon, ça voudrait rentrer dans des détails, c'est encore très ouvert comme question. Mais cela dit, il faut, du point de vue de la conception générale qu'on peut se faire des sciences, on peut admettre que des questions restent indécidables. C'est pas quelque chose qui est scandaleux pour. Sur les 23 problèmes mathématiques. Dont je parlais de Dilbert, il y a un certain nombre qui ont été estimés aujourd'hui encore indécidables. Certains ont été résolus. La majorité a été résolue. Quelques problèmes qui n'étaient pas énoncés de manière très précise, donc on ne sait pas trop. Dans l'esprit, je pense que la majorité a été résolue. Je ne sais pas s'il en reste. Je crois qu'il y avait la formalisation de la physique. Ça, ce n'est pas résolu. Un dernier mot, puisqu'on arrive au terme de cette émission, pour boucler la boucle, hein, pour refermer le Lemniscate. Je parlais au début de l'émission de cette publication, je crois que c'était au mois de novembre, des deux mathématiciens Maliaris et Scheela, qui ont démontré que les infinis petit p et petit t sont de la même taille. Maintenant que nous avons tout ce bagage théorique autour des infinis, est-ce que vous pouvez nous expliquer en deux mots pourquoi c'est important, cette solution qui a été apportée à ces deux infinis particuliers, Boban Velikovic? Oui, c'est un peu difficile. Je peux dire en quelques mots, Maliaris est une mathématicienne américaine qui a fait ses études en partie chez nous, à Paris Diderot. Elle a fait son master M2. Scheela, c'est un logicien israélien qui est un peu âgé maintenant. Donc, le problème dont vous parlez, qui s'appelle P et T, il compare deux cardinaux qui sont définis à partir des réels, était posé dans les années 40. C'est une suite des travaux de Rothberger dans les années 40. Il est resté ouvert. C'est difficile à l'énoncer, donc je ne vais même pas essayer. On va vous mettre des liens sur le fil Twitter avec une réponse complète et une explication, une vulgarisation de ces travaux-là, pour si vous êtes curieux de comprendre exactement ce qui s'est passé. Mais peut-être qu'on peut en donner un mot de l'importance que ça a. Ok, l'importance, c'est qu'en fait, c'est un problème combinatoire difficile qui était ouvert, que beaucoup de gens ont essayé de résoudre, mais c'est pas ça qui le rend intéressant. En fait, ils l'ont pas résolu en allant directement, c'est par une autre étude qui s'appelle l'étude de l'antre de Kistler. Kistler, c'est un autre grand logicien américain qui a défini une façon de comparer la complexité des théories mathématiques par le type de configuration qu'on peut réaliser dans une théorie par rapport à une autre. Et donc cet ordre a été introduit dans les années 60. Il était étudié un peu dans les années 60-70. Et c'est qu'en 2009, je crois, 2008-2009, Maliaris a repris cette étude et en développant les propriétés de l'ordre de Kistler et en comparant des théories mathématiques. Donc, a priori, ça n'a rien à voir avec le problème dont on a parlé tout à l'heure. Ils ont découvert que ça revient à la même chose. Donc, ils ont vu. Donc, l'importance du problème, c'est de créer ce lien entre deux domaines mathématiques, la théorie des ensembles et la théorie des modèles. Voilà, vous avez évidemment tout compris. Aux infinis, en règle générale, alors à petit p, petit t ou p et t, peut-être pas tout à fait, mais encore une fois, on va vous envoyer quelques liens si vous voulez en savoir plus, mais il est 16h53 déjà, nous sommes jeudi, c'est le retour, comme tous les jeudis, de la Bibliothèque des Sciences, hein, quels sont les grands ouvrages scientifiques qui ont jalonné l'histoire des sciences aujourd'hui. C'est Thibaut Damour, le physicien, qui nous parle forcément de l'ouvrage qui a marqué sa carrière, Einstein. La Bibliothèque des Sciences. Quand j'étais gamin, je me suis intéressé assez tôt à la théorie d'Einstein et je m'étais procuré non seulement des articles scientifiques, des choses de niveau mathématique non trivial et des petits livres écrits par Einstein, mais aussi j'avais lu son livre de vulgarisation qu'il avait écrit. C'est un livre qui vulgarise la théorie de la relativité restreinte et générale, et il avait écrit ce livre tout de suite après la découverte qu'il a faite de ses théories en 1916. Il a pris le temps d'écrire un ouvrage de vulgarisation parce qu'il sentait que cette théorie était très nouvelle et que beaucoup de ses collègues n'appréciaient pas la nouveauté conceptuelle, surtout de la théorie de la relativité générale. Et il voulait expliquer sa motivation profonde parce qu'il avait le sentiment que c'était quelque chose d'important, que tout le monde devrait avoir une idée de ça. Alors quel est le titre de cet ouvrage ? Donc cet ouvrage s'appelle simplement « La théorie de la relativité restreinte et générale, exposé élémentaire ». Et je crois que dans le titre allemand, c'était même « exposé censé être compris par n'importe qui », ce qui était à la fois un peu ambitieux, mais en même temps réel, c'est-à-dire... Ce qui m'a frappé, c'est qu'Einstein écrit de façon très simple. Il utilise des phrases de tous les jours. Par exemple, si on prend le premier paragraphe du premier chapitre qui va introduire la question de pourquoi les lois de la géométrie, finalement, Einstein les a remises en question, il commence comme ça. Sans doute avez-vous, cher lecteur, quand vous étiez jeune garçon, fait la connaissance du superbe édifice de la géométrie d'Euclide, et vous vous rappelez peut-être, avec plus de respect que de plaisir, cette imposante construction sur le haut escalier de laquelle des maîtres consciencieux vous forçaient de monter pendant des heures innombrables. En vertu de ce passé, vous traiteriez avec dédain toute personne qui regarderait même la moindre proposition de cette science comme inexacte. Mais ce sentiment de fière certitude vous abandonnerait peut-être si l'on vous posait cette question. Qu'entendez-vous par l'affirmation que ces propositions sont vraies ? À cette question, nous voulons nous arrêter un peu. Donc il s'agit d'un style très simple, comme ça, comme un grand frère qui vous prend par l'épaule et qui vous dit « Eh bien, à l'école, tu as appris la géométrie, tu as l'impression que c'est purement des théorèmes mathématiques. Non, petit à petit, je vais te montrer que la géométrie, c'est de la physique et que les lois que l'on apprend à l'école sur les triangles, Pythagore, Thalès, en fait, peuvent être fausses dans notre univers réel. Et Einstein explique petit à petit comment il est arrivé à la théorie de la relativité générale. Aussi, un peu plus tard, par exemple, quand il parle du concept fondamental qui a changé en théorie de la relativité restreinte, qui est celui de temps, il dit... Je suppose... que la foudre ait frappé la voie de notre chemin de fer en deux points, A et B, très distants l'un de l'autre, et j'affirme que ces deux éclairs ont été simultanés. Si maintenant je vous demande, cher lecteur, si cette affirmation a un sens, vous me répondez avec conviction, oui. Mais si j'insiste et vous prie de m'expliquer d'une façon plus précise le sens de cette affirmation, vous constatez, après quelques réflexions, que la réponse à cette question n'est pas si simple qu'elle paraît au premier abord. Donc là aussi, Einstein explique ce qui l'a mené à la théorie de la relativité restreinte, qui a bouleversé le concept de temps, par un exemple très simple. Voilà, qu'est-ce qu'on entend dans la vie de tous les jours par le fait que deux événements sont simultanés, mais il prend un exemple concret, la foudre qui frappe une voie de chemin de fer. « Voilà la Bibliothèque des sciences de Thibaut Damour que vous pourrez retrouver ainsi que toutes les émissions sur le site de la méthode scientifique, sur la page de la méthode scientifique, sur franceculture.fr ainsi que sur notre fil Twitter @laméthodefc. Merci beaucoup à nos deux explorateurs de l'infini. Merci Jean-Axel Signars, merci Boban Velikovic d'avoir accepté notre invitation. Si vous voulez en savoir un peu plus et mieux comprendre ces notions d'infini en mathématiques, je vous recommande L'infini en images, un petit livre explicatif aux éditions EDP Sciences. Et puis merci à la méthode scientifique, à l'équipe de la méthode scientifique, à Vétienne, Sarah Higemans, Céline Nozen, Antoine Beauchamp, Noémie Naguette-Saint-Vulfranc, Elisabeth Miro à la réalisation, Jean-Guy Linmège à la technique.